constante qui maintient l'homme en face du monde, le délire ordonné qui le pousse à tout accueillir, me laisse une autre fièvre. Dans cet univers, l'œuvre est alors la chance unique de maintenir sa conscience. Il pieno dei giorni a settembre, nell'aria tagliente leggera, l'odore di rose riempiva di colpo la sera. Se il senso non riesce a frenare il moto perpetuo del cuore, i gesti arrivano prima di tante parole. Il vento, l'ardore, l'attesa, il suono, l'insonnia, il pensiero, le dita segnavano righe d'inchiostro nel cielo. Pour faire partie de petits noyaux, de petits groupes, de petits clans, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo. L'aria profumo di nuovo, le idee come polline e fiori riempiono i fogli di carta di mille colori. Se fermi un istante di vita, ti volti a guardare all'indietro, percorri i binari di un treno che è appena passato. Che l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Il tratto traduce le pieghe di storia che scorrono sotto i tuoi occhi, disegna i filari dell'uva che riempiva i secchi. Nel sonno di troppe abiezioni sfiorisce ogni indomita schiera, qualcuno in silenzio nell'anima innalza bandiera. La mente rinchiusa nel corpo di un uomo comune e mortale ha preso due ali di marmo e le ha fatte volare. Il arrivo che le decosse brulla, levé, tramway, quatre heures du bureau d'usine, repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi se lève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement.